de la première fois. C'était de toi dont je rêvais chaque nuit. Je voudrais être une lame pour naître dans tes yeux. Dormir un sourire sans jamais me lasser.